malgré tout ça, c'est moi qui t'ai aimé. À présent, doudou, moi constaté, c'est où qu'il a vu moi. Merci, merci, mon Dieu. Chercher pour sa part encore, mais non, tout doux, papa, on fait ça. Béki, te wale, béki, te wale, si vous la sécurité. Béki, te wale, si vous la sécurité. Béki, prêté. Thank you.